Et les modes de vie s'intéressent aujourd'hui aux produits bio, alors que le Salon de l'Agriculture vient d'ouvrir ses portes ce week-end à Paris. Et l'agriculture biologique est largement mise en avant. Jean-Paul G, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous, rédacteur en chef du magazine Que Choisir. Alors pourtant, les produits bio sont plus chers à l'achat. Et malgré cela, on constate que la consommation explose. Comment expliquer un tel succès, Jean-Paul G? Bien, le succès des produits bio vient du fait que ces produits bio véhiculent une image de meilleur pour la santé, et puis les produits bio sont incontestablement un plus pour l'environnement, hein, c'est ce qui explique finalement que malgré les tensions actuelles sur le pouvoir d'achat, l'appétit des Français pour les produits bio ne se dément pas, hein. Chaque année, la consommation des produits bio augmente d'environ 10%, alors qu'en effet, les prix des produits bio sont sensiblement plus chers.